Merci Tiffaine, les auditeurs vous retrouvent demain et moi je vous dis à lundi. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, jeudi, dernier moment de notre série consacrée à l'écrivain colombien Gabriel García Márquez, prix Nobel de littérature en 1982. Il est mort en avril 2014, à l'âge de 87 ans, après avoir vécu dans les histoires et pour les histoires, celles surtout inspirées à partir de son enfance dans le village d'Aracataca, celui qu'il appelle Macondo dans un grand nombre de ses romans où se mêlent magie, contes, fantasmes et réalité. Journaliste, ami de Fidel Castro, engagé contre Pinochet, García Márquez n'a pas non plus omis de vivre dans le monde réel, comme nous l'a raconté lundi Annie Morvan, qui a traduit nombre de ses romans en français. La prose de García Márquez, elle est faite d'exubérance et elle décrit des personnages qu'on pourrait qualifier de grotesques. C'est en tout cas le mot qu'emploie Rémi Astruc au sujet de son roman « L'automne du patriarche ». Il nous a expliqué pourquoi mardi dernier, en première partie d'une émission également consacrée au recueil de nouvelles « Les funérailles de la grande mémé » dont nous a parlé Vincent Message. Enfin, hier, nous avons reparcouru l'œuvre de l'écrivain colombien avec Caroline Lepage, en nous arrêtant en particulier sur 100 ans de solitude. Et aujourd'hui, pour parler de certains livres de García Márquez qu'il aime en particulier, et notamment de Chroniques d'une mort annoncée, pour parler aussi plus généralement de la littérature sud-américaine, nous sommes avec Gustavo Guerrero, éditeur chez Gallimard, poète et essayiste. Il est l'auteur de plusieurs livres de critique et de théorie littéraire, dont Poétique et poésie lyrique aux éditions du Seuil en 2000. On lui doit également une anthologie de la nouvelle latino-américaine contemporaine. C'était chez Gallimard, avec une préface de Mario Vargas Llosa, publication en 2010. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Je ne dis pas que j'ai coupé les racines avec mon pays. Je n'ai même pas coupé les racines avec les Caraïbes. Mais il y a bien longtemps que ce problème ne m'inquiète plus. C'est vrai, il y a une époque où l'on considérait comme une trahison le fait de ne pas vivre en Colombie. Mais moi, j'ai une réponse toute prête. Quel que soit l'endroit où je me trouve, j'écris un roman colombien. Les éléments de base, tous les thèmes que j'ai développés dans mes romans existaient déjà dans ma tête dès 10-11 ans et l'influence du vallenato, de toute cette culture populaire des Caraïbes, est ancrée au plus profond de moi depuis mes toutes jeunes années. Bonjour Gustavo Guerrero. Bonjour. Une réaction pour commencer sur ce qu'on vient d'entendre. Gabriel García Márquez, qui est d'origine colombienne, mais qui en réalité est un écrivain qu'on pourrait qualifier d'écrivain monde. Oui, je crois que c'est un cas d'école maintenant, l'étude de l'œuvre de García Márquez au moment de l'émergence de ce qu'on appelle en anglais de world literature, la littérature mondiale. Mais je voudrais revenir sur son intervention, les mots qu'on a entendus il y a quelques secondes. Et García Márquez parle de lui-même comme un écrivain colombien et ensuite il enchaîne sur la Caraïbe. Il dit c'est le monde de la Caraïbe. C'est quand même exceptionnel les hold-up qu'il a réussi sur la littérature colombienne et latino-américaine. C'est quelqu'un qui vient d'une région de la Colombie. Ensuite, c'est quelqu'un qui vient d'une région qui a été un peu marginale par rapport au pouvoir. Le pouvoir est à Bogota. Les centres culturels colombiens, c'est en haut de la montagne. C'est la capitale de la vice-royauté. C'est là que la vie culturelle, que les champs culturels, pour parler comme Bourdieu colombien, s'est installé depuis l'époque coloniale. Et la côte colombienne a toujours été regardée depuis Bogota comme une région plutôt marginal. Parce qu'elle appartient justement à cet espace de la Caraïbe. Voilà, et l'opposition entre la montagne et la côte ici est très, très forte en Colombie, entre Bogota et Cartagène, entre Bogota et la partie de la côte. Alors García Márquez non seulement va écrire une littérature régionale de la côte colombienne, mais il va réussir à imposer cette littérature régionale comme une littérature latino-américaine et ensuite comme la littérature colombienne par excellence. Donc, comment fait-il cela? Bon, il fait cela parce que il réussit à faire bouger les ressorts nécessaires pour s'imposer au niveau latino-américain, puis international, et donc dans les grands marchés des identités que nous avons aujourd'hui sur le marché international de l'édition et de la traduction, c'est lui et son œuvre qui s'impose et qui va imposer à partir des années 60 une certaine image de l'Amérique latine. Le même phénomène, vous pouvez l'observer aussi au Japon, avec Kawabata, Tanisaki, Mishima, qui dans les années 50 et 60 vont imposer aussi au niveau global une image du Japon grâce au succès de leurs œuvres au niveau international. Mais ce n'est pas une volonté consciente de García Márquez de faire ce hold-up, c'est le monde de l'édition qui organise ça. Bien sûr, mais il a très bien réussi. Mm. Il a très bien réussi au point qu'il parle de son roman comme du roman colombien d'aujourd'hui. Alors que si nous partions par exemple dans les tunnels du temps et on débarquait à Bogota au début des années 50 et on disait qu'un roman de la costa, un roman de cette région de la Colombie, représentait la Colombie, on serait regardé d'une manière tout à fait de travers. Quoi. On oui. dirait, mais vous êtes complètement trompé. La Colombie, la littérature colombienne, c'est la littérature andine. Et aujourd'hui, alors, comment est-ce que les Colombiens considèrent García Márquez, leur prix Nobel de littérature? Je crois qu'il y a un phénomène très curieux. Une partie de ma famille est d'origine colombienne, donc je connais un peu l'évolution de la culture colombienne ces dernières années. On peut dire que la Caraïbe a étalé en haut des montagnes. Quand vous allez à Bogota aujourd'hui, vous allez à Medellín, vous allez à Cali, qui étaient des villes andines, aujourd'hui, vous retrouvez de la musique de salsa, vous retrouvez des formes de vie qui procèdent qui viennent de la côte colombienne. Donc la côte colombienne, en quelque sorte, a colonisé les imaginaires et les formes de vie des Andes colombiens. Et nous avons aujourd'hui une culture colombienne qui est entièrement imprégné par l'imaginaire de García Márquez et par la culture de la côte de García Márquez. Ah, ça, c'est quand même assez incroyable, d'autant plus que lui a vécu dans beaucoup d'endroits. À quel point se sentait-il d'ailleurs colombien? C'est pas certain que lui qui a été en Europe, qui a vécu au Mexique, se sentait particulièrement colombien. Il avait les sentiments, vous savez qu'il a été à Bogota dans les années 40, et il se sentait étranger à Bogota. Il n'a jamais vraiment réussi à s'installer à Bogota. Bogota, c'est les montagnes, hein, c'est la capitale, c'est la formalité, c'est une certaine manière de parler, de s'habiller. Et l'opposition entre Bogota et la côte colombienne, elle est connue à l'intérieur de la culture colombienne comme une opposition qui est marquée par les mépris de la part des gens de Bogota pour les gens de la côte. Donc García Márquez ne s'est jamais vraiment fait à la forme de vie de Bogota. Il n'a jamais vraiment y vécu pendant très très longtemps, dans les années 40 et ensuite il est revenu dans les années 80. Mais surtout, il a eu un succès suffisant et suffisamment important pour pouvoir imposer sa version de la Colombie aux Colombiens. Me siento lleno de alegría por tener en estos momentos la oportunidad más bella de mi vida, ya que en nombre del Sindicato Único de Trabajadores de la Música del Distrito Federal, vengo a ofrecer a ustedes nuestro cariño. La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous sommes avec Gustavo Guerrero pour parler de Gabriel García Márquez, cet écrivain monde, cet écrivain européen aussi. Il a vécu à Barcelone, il a vécu à Paris et j'aimerais qu'on parle un peu justement de ce moment parisien de Gabriel García Márquez et peut-être de manière plus globale du rapport de Paris dans les années 60 avec l'Amérique latine, parce qu'on a l'impression que la capitale française est devenue en partie une capitale pour la littérature latino-américaine. Quel est votre sentiment là-dessus, Gustavo Guerrero? Et je crois que c'est exact. Il y a une relation très intense entre la littérature latino-américaine et le champ culturel français. Et ça commence déjà au 19e siècle, et ça se développe après la Seconde Guerre mondiale. En particulier, il y a une politique culturelle française d'attirer des auteurs latino-américains et de publier des auteurs latino-américains en France dans les années 50. On ne le voit pas très bien aujourd'hui, c'est-à-dire le temps est passé, donc on regarde surtout la présence des romanciers dans les années 60, mais par exemple, dès l'année 45-46, Roger Caillois fait traduire Gabriela Mistral en France, et il y a deux éditions. On va voir très tôt aussi Louis Aragon, qui va faire traduire et publier Neruda. Et Neruda va devenir la grande figure de la littérature, la grande voix de la poésie latino-américaine à partir des années 50. Et la collection Poète d'aujourd'hui, vous vous souvenez, cette collection merveilleuse va publier aussi des auteurs latino-américains. Il y a une politique donc française pour l'Amérique latine et pour l'édition d'auteurs latino-américains à partir du 45, qui va être gérée en partie par l'UNESCO, en partie aussi par les maisons d'édition et par des personnalités comme Roger Caillois, comme Louis Aragon, C'est lié aussi à la proximité entre les langues latines, peut-être, ou est-ce qu'on est davantage dans quelque chose de politique plus que de culturel? On est dans les deux, c'est-à-dire c'est une politique culturelle française, et la France n'a jamais voulu avoir des intermédiaires dans ses rapports avec l'Amérique latine. Vous connaissez l'histoire de l'Aéropostale, bien sûr, la ligne directe entre la France et l'Amérique latine, et donc cette politique à partir de l'année 45, qui va être mise en place par les éditeurs français, mais aussi par l'UNESCO, à partir d'une politique de subvention des traductions d'auteurs latino-américain, et va permettre ce rapprochement. Donc déjà à partir des années 50, nous avons un certain nombre d'auteurs latino-américains qui vont être traduits et publiés en France, Carpentier par exemple, Cortázar par exemple, Borges qui est un cas d'école aussi, et tous ces auteurs vont créer en France un public pour la littérature latino-américaine qui va préparer en quelque sorte les booms des années 60. En partie va préparer les booms en France, mais aussi au niveau européen et global, parce que beaucoup d'éditeurs, quand le phénomène Garcia Marquez, le phénomène Vargas Llosa, le phénomène Cortázar commence au Fuentes dans les années 60, beaucoup d'éditeurs européens et même américains ne lisaient pas l'espagnol. Donc ils passaient par les traductions françaises pour découvrir ces auteurs, et les rôles que la machine à traduire et à publier française va jouer dans ces années 50-60 va être capital pour la diffusion internationale des lettres de l'Amérique latine. Mais Garcia Marquez n'était pas forcément très heureux de la manière dont le français rendait son écriture. Il avait le sentiment que ça n'était pas forcément une langue qui pouvait vraiment bien traduire ce qu'il souhaitait dire. Oui, par exemple, il n'a jamais été satisfait de la traduction de Durand, et il l'a dit publiquement, la traduction de 100 ans de solitude. Durand, le grand éditeur, oui, le grand éditeur de Fayard, et à l'époque du Seuil, c'était l'homme qui a lancé la collection internationale de littérature latino-américaine au Seuil. Et il n'a jamais été très content, en partie parce que la langue française et les traducteurs français ne rendaient pas aux années 50 et 60 et avaient des difficultés à rendre la proximité qu'on retrouve dans la prose de Garcia Marquez et d'autres auteurs latino-américains entre le populaire et la langue plus soutenue. Et ça, vous le comprenez? Vous croyez que le français a du mal à faire cela? Oui, en partie, parce que je pense que pour parler clairement, je crois qu'il y a une difficulté avec le populaire dans le littéraire en France depuis Céline et depuis la littérature des années 30 qui a été marquée, très fortement marquée politiquement au cours de ces années. Et donc les rapports à un certain style d'écriture n'a pas politique, hein, c'est un style d'écriture, n'a pas permis une évolution plus rapide vers la proximité entre l'écrit et l'oral. Ça, c'est une problématique. En espagnol, on n'a pas cette barrière, on écrit pratiquement la parole facilement. En français, le régime d'écriture est beaucoup plus loin du régime parlé, et cela pose des problèmes au moment de la traduction d'une œuvre comme celle de García Márquez. Alors, qu'est-ce que ça signifie se sentir latino-américain en littérature? Est-ce que déjà il faut faire des distinctions très fortes entre la littérature, je ne sais pas, péruvienne, chilienne, colombienne, ou est-ce qu'il y a un ensemble qui est un ensemble hispanique qui forme finalement plus ou moins un tout, Gustavo Guerrero? Ça dépend où vous placez-vous au moment où vous parlez. À l'intérieur de l'Amérique latine, par exemple à l'intérieur de la Colombie ou de l'Argentine ou du Mexique, les Mexicains sont Mexicains, les Colombiens sont Colombiens. Bien sûr. Mais quand on se place à l'extérieur de l'ensemble, il y a cette seconde identité commune qui joue un rôle très important. Qui existe alors. Qui existe comme une identité qu'on construit face à l'extérieur et qu'on construit aussi à partir des racines politiques et historiques qui sont liées à l'indépendance et au passé colonial. C'est commun. Ouais. Donc il y a des éléments, mais littérairement, je dois dire, l'un des moments pour moi les plus importants des années 60 et l'importance que je vois chez García Márquez encore aujourd'hui en tant que disons, point de repère pour la culture latino-américaine, c'est qu'au cours des années 60, on parle beaucoup du boom, on vient de le faire, Paris, Barcelone, etc. C'est vrai que ces capitales ont joué un rôle important, mais les booms vus depuis l'Amérique latine ont l'importance d'avoir été un moment, d'avoir représenté un moment où les latino-américains se sont mis à lire la littérature latino-américaine. Et à travailler l'imaginaire de cette autre identité collective et commune qui est celle du latino-américanisme. Donc, García Márquez, Cent ans de solitude, est un roman régional colombien qui a réussi à kidnapper ou à voler, disons, l'identité colombienne et à imposer sa vision. Et ensuite, il s'est imposé au niveau de l'Amérique latine, comme un facteur essentiel de l'identité latino-américaine. Alors, l'Amérique latine en littérature, c'est un rapport au langage, peut-être. C'est en tout cas ce qu'expliquait Carlos Fuentes en 1969 dans une interview dont on va entendre un tout petit extrait. Il répondait à Juan Miguel Mora qui lui demandait, c'était sur France Culture, s'il y avait une ligne directrice dans son œuvre. Une ligne directrice qui peut-être n'est pas singulière, mais qui fait partie de ce grand épanouissement du roman américain auquel on assiste depuis 15 ans. C'est un phénomène qui, pour nous, est très centré dans le problème du langage. Nous nous sentons comme des êtres dépourvus ou dépossédés de leur langage. C'est pas la même chose. Vous êtes dépourvus ou vous êtes dépossédés? Nous sommes dépourvus et dépossédés. Ouais. C'est un phénomène qui vient du fait même de la conquête espagnole, de la déroute des anciennes civilisations indiennes. Nous subissons l'espagnol comme une langue imposée. Oui. Notre écriture a le sens de nous donner une possession à travers la destruction et la révolte de ce langage académique espagnol qui pèse comme une tombe sur nous. C'est déjà un but immédiat que nous avons et qui donne une énergie une direction assez concrète, assez commune aux œuvres de romanciers latino-américains. La compagnie des auteurs sur France Culture, si l'on comprend bien donc Carlos Fuentes, l'un des déterminants de la littérature latino-américaine, je mets des guillemets à cette expression littérature latino-américaine, ce serait donc de subvertir, c'est un petit peu ce que vous commencez à dire d'ailleurs, subvertir l'espagnol parce que c'est la langue du colonisateur. Il y a un rapport complexe avec la langue espagnole en Amérique latine. Il faut voir que, comme d'autres éléments hérités du passé colonial latino-américain, c'est quelque chose dont on s'est approprié, mais c'est une langue à laquelle on veut donner un ton une musique différente aussi. La même chose arrive aux États-Unis. L'anglais des États-Unis est un anglais qui s'est imposé par la littérature aussi, avec une tonalité différente, avec des formes différentes. Et cette différence est à la fois une forme d'identité et d'indépendance. C'est une manière de marquer cette indépendance. Bon, comme le français, par exemple, avec la littérature de Maurice Condé. Par exemple, exactement, dans le cas des Caraïbes. Exactement. Donc, nous sommes dans les années 60-70, vous avez entendu Carlos Fuentes, on est à l'époque du linguistic turn, à l'époque de Roland Barthes, de toute la réflexion sur la langue, le langage, les textes. Donc, bien sûr, on va mettre l'accent sur la révolte linguistique, sur la manière comment les écrivains vont subvertir le langage pour ouvrir des portes à une identité latino-américaine plus authentique. C'est un des sujets, disons, et des thèmes qui revient très souvent dans ces années-là, dans les années 60 et 70. Et je crois qu'il y a chez Garcia Marquez, en tout cas pour citer lui, un compromis très réussi entre l'oralité et l'écriture. Et c'est cette nouveauté du compromis entre oralité et écriture qui fait partie aussi du succès et de la possibilité qu'il y a cette œuvre de toucher des publics très, très divers en Amérique latine. Parce qu'il reste un fond de classicisme, diriez-vous, chez Garcia Marquez. Je sais qu'en tous les cas, il n'aimait pas tellement l'espagnol littéraire traditionnel de la Colombie qu'il trouvait trop académique. Ah oui, gandé, ouais. Il y a cette remarque que j'aimerais citer de Garcia Marquez qui disait « En fait, l'erreur des écrivains du passé de notre continent a été d'exprimer avec grandiloquence des situations simples au lieu d'exprimer avec simplicité la grandiloquence de notre réalité quotidienne. » Ça, c'est exactement le type de réflexion qu'on peut retrouver quand on regarde de près les textes de Garcia Marquez. Il ne faut pas oublier que c'est un homme qui est un journaliste. Et c'est un homme qui va enquêter, il va parler avec les gens, va enregistrer des entretiens. Et il est l'oralité, l'oral joue un rôle très important dans la formation de sa prose. Pas seulement au moment où il commence à écrire, mais même dans la genèse de ses grands romans. Vous vous souvenez de l'anecdote, Cent ans de solitude, il commence à écrire vraiment le roman au moment où il écoute la phrase de son grand-père et il écoute la musique de la phrase de son grand-père et il commence à écrire à partir de cette écoute d'une voix du passé. Mm-hmm. Ça, c'est très important. Alors, Garcia Marquez subvertit la langue, son écriture est baroque. Et j'aimerais qu'on réfléchisse un peu sur ce terme de baroque. Le baroque, c'est une subversion du classicisme, c'est l'irruption de la fantaisie, voire du biscornu. Est-ce que, pour commencer, il ne faudrait pas se tourner vers le baroque pour comprendre l'Amérique latine et sa culture? Est-ce que ça vous paraît une entrée possible? Oui, ça l'a été sans doute. La question du baroque est une question qui a été posée tout au long du XXe siècle en tant qu'une des possibles clés d'interprétation de la culture latino-américaine. Et à la fin du XXe siècle, il y a aussi Édouard Glissant qui s'est penché sur cette question du baroque et des rapports entre le baroque et les Caraïbes. Je crois qu'il y a quelque chose de très important dans la culture du baroque pour comprendre l'Amérique latine et que Garcia Marquez est capable de nous montrer dans un roman comme « Cent ans de solitude » ou bien dans la chronique du mort annoncé. C'est la question de la gestion de l'hétérogénéité. Mmh. Vous voyez ? Donc, le classicisme, en tant que style et forme de vie, ne s'est pas posé la question de l'hétérogénéité. Vous voulez dire du mélange, oui, du syncrétisme et des cultures différentes. Cultures qui se sont sédimentées. Exactement. Mmh. Exactement. Donc, le baroque est l'expression des tensions et des compromis entre des cultures différentes, entre des langues différentes, entre des appartenances et des histoires différentes, entre des temporalités différentes. En ce sens, je trouve que si on parle du baroque et en Amérique latine, on doit dire que le baroque est une des premières solutions modernes à la question de l'hétérogénéité sociale. Mmh. Comment on gère la diversité dans une société et comment on gère la diversité dans les imaginaires. Et je crois que c'est quelque chose de très important pour les sociétés postcoloniales comme les sociétés latino-américaines et qui c'est l'aspect pour moi qui a permis la compréhension de l'œuvre de García Márquez, non seulement en Europe, mais en Afrique, dans les pays musulmans, en Inde. Où il est également très lu ? Il est très très lu. Il y a une très belle étude d'un scholar, un professeur colombien, César Rincón, Carlos Rincón, de l'université de Freie l'université de, libre de Berlin, Freie Universität, où il a étudié, suivi l'extension, la diffusion de l'œuvre de García Márquez dans les pays asiatiques. Mm-hmm. Et il a découvert non seulement les éditions pirates iraniennes des années 70, mais un phénomène encore plus étonnant. Et Tadjikistan, la langue tadjik, on a enregistré des cassettes avec les chapitres traduits en tadjik des 100 ans de solitude. Et les gens achetaient les cassettes et écoutaient les récits comme un récit oral. Et c'est vrai qu'une autre particularité peut-être de la réception de García Márquez par les lecteurs, c'est qu'il est lu dans toutes les classes de la société. Absolument. Lorsqu'il a gagné le prix Nobel de littérature, c'est Gerald Martin, son biographe, qui le raconte. Même les chauffeurs de taxi de Barranquilla ont klaxonné, ont passé toute la journée à klaxonner. Et lorsqu'on leur demandait pourquoi, on pensait que c'était un match de foot ou autre chose. J'ai dit non, parce qu'un garçon de Barranquilla vient de gagner un prix très important en Europe. Et c'était un des nôtres, bien sûr. Alors, parmi les écrivains du baroque qui précèdent Gabriel García Márquez, il faudrait en citer deux successivement. C'est Sarduy et Carpentier. Alors, est-ce que vous pouvez replacer un petit peu d'abord qui était le romancier et poète qu'on peut qualifier, je pense, de baroque, Severo Sarduy, et que vous connaissez bien, Gustavo Guerrero? Oui, Severo Sarduy était, il faut le dire, il est intimement lié à l'histoire des 100 ans de solitude, parce que c'est lui qui va apporter le manuscrit des 100 ans de solitude à Durand et au Seuil. Ouais. C'est lui qui va lire les textes d'abord en espagnol, parce que, comme vous le savez, l'un des chapitres des 100 ans de solitude, qui a été publié avant l'apparition du roman, a été publié à Paris par la revue Mundo Nuevo. Mm-hmm. Et Sarduy était lié à la revue Mundo Nuevo, donc il a lu les textes de García Márquez et il s'est procuré les manuscrits pour la porter au Seuil. Donc ces manuscrits échappent à Gallimard en partie par l'intervention, ou grâce à l'intervention, je ne sais pas si je peux dire ça, Severo Sarduy. Non, je ne peux pas dire ça en tant qu'éditeur chez Gallimard. Voilà, il échappe un peu à cause de l'intervention de Severo Sarduy qui va le donner à Claude Durand, et donc ça sera négocié directement par les Seuils. Sarduy avait un regard effectivement baroque sur la culture latino-américaine. Il va être les créateurs de la théorie du néo-baroque, justement, dont je viens de vous dire quelques mots à propos de l'idée du néo-baroque. Vous avez d'ailleurs écrit un essai sur ce sujet en 1987. Oui, et comme justement une manière de gérer la diversité. Une des premières manières au fond forme culturelle, en même temps montrer les tensions que la diversité produit, mais aussi aller vers des compromis, aller vers des solutions. Ouais. Et alors, Alejo Carpentier, c'est autre chose. Alejo Carpentier, c'est un homme qui a une formation classique, c'est un homme qui vit en France et passe une partie des années des avant-gardes en France, les années 20-30, et c'est un homme qui, au début des années 40, fait un voyage à Saint-Domingue et à Haïti. Et là, il va être émerveillé par l'histoire de cette île et il va publier un roman à la fin des années 40 qui s'appelle « Les royaumes de ce monde ». Et la préface pour ce roman, c'est une préface, c'est une espèce de déclaration, un manifeste pour ce qu'il va appeler le réel merveilleux, qui sera à partir de là l'une des sources du réalisme magique, ou un des éléments du réalisme magique. Mais la différence entre Carpentier et García Márquez est très importante. Ce n'est pas seulement une différence des générations, mais une différence aussi culturelle. Alejo Carpentier n'a jamais été lié directement à la culture populaire cubaine, alors que García Márquez est issu, effectivement, de la culture populaire des Caraïbes colombiens. Alors, Gustavo Guerrero, on vient de voir à quel point, pour les lecteurs du monde entier, García Márquez a été important. Qu'en est-il de la critique, de la réception critique de Garcia Marquez, et qu'en est-il aujourd'hui, finalement, de sa place, par exemple, dans l'université. Par exemple, vous avez travaillé à ce volume qui s'appelle « L'Amérique latine et la nouvelle revue française » chez Gallimard, et finalement, Garcia Marquez y est plutôt absent. Qu'est-ce que ça signifie ? Oui, et je crois qu'il y a eu un malentendu, pour ainsi dire, entre la France et Garcia Marquez. La réception de 100 ans de solitude ne s'est pas produite comme il l'attendait. Ça a été beaucoup plus lent que dans d'autres pays. Et il a pensé, c'est une des raisons pour lesquelles les seuils perdent les droits des œuvres suivantes de Garcia Marquez, malgré la publication des 100 ans de solitude, c'est parce que l'agent Carmen Balcells pensait que les seuils n'avaient pas fait assez pour promouvoir Garcia Marquez. Et pour quelle raison le seuil n'aurait-il pas fait assez? C'est la perception que l'agent avait. Je crois que la différence entre la réception française et d'autres réceptions des 100 ans de solitude à l'époque tient au fait qu'en France, la littérature latino-américaine n'était pas une inconnue. Mmh. Vous voyez, ce que je n'étais pas si inconnu donc que ça. Donc il n'y a pas l'effet de sidération des nouveautés que 100 ans de solitude a eu dans d'autres champs culturels ne pouvait pas se produire en France. Lentement, il a gagné son public, Garcia Marquez. Au bout d'un an, deux ans, les ventes ont quand même démarré. Mais si vous voyez les chiffres au début, c'était quand même assez modeste. Et c'est dans les temps que le livre a commencé à gagner des lecteurs et à conquérir, bien sûr, l'imaginaire et le public qui est le sien aujourd'hui en France. Ça, c'est évident. Et sur l'université ? À l'université, je vous invite tout simplement à regarder aujourd'hui les sites de l'Institut de la littérature mondiale, le World Literature Institute de l'Université de Harvard, où le directeur, qui est David Dambrush, montre aujourd'hui quels sont les romans les plus étudiés aux États-Unis et dans le monde au niveau de la littérature comparée, ce qui concerne la littérature comparée et les littératures étrangères. Et vous verrez parmi les trois ou quatre premiers, il y a 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Oui, mais encore une fois, peut-être pas en France. Et alors pourquoi dans l'Amérique latine et la Nouvelle Revue française, n'y a-t-il pas plus de Garcia Marquez dans ce volume-là ? Je pense que je ne sais pas pour jouer pour l'équipe, mais je pense que la Nouvelle Revue française est une revue qui avait quand même une place pour les littératures étrangères qui n'étaient pas peut-être la plus importante à l'époque. Donc c'est un peu normal qu'on ne retrouve pas ni Garcia Marquez ni d'autres auteurs latino-américains dans la revue. Il y avait, disons, d'autres publications qui étaient plus portées vers la littérature étrangère que la Nouvelle Revue française à l'époque. Gustavo Guerrero, vous restez avec nous car voici venir la chronique qui n'est pas du tout celle d'une mort annoncée, bien au contraire, c'est celle d'Aliette Armel. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour Aliette. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes romancière, essayiste, critique littéraire. Vous faites partie de nos grands lecteurs et lectrices qui viennent chaque jeudi nous parler de l'auteur dont il est question ici toute la semaine et présenter une actualité littéraire. Alors Aliette, que représente pour vous Gabriel Garcia Marquez et puis comment avez-vous découvert son œuvre ? Eh bien justement, j'ai fait partie de ces premiers lecteurs français qui n'ont pas attendu un an ou deux ans. Alors c'était un peu par hasard, je l'ai pas découvert par un travail quelconque, quelqu'un me l'a donné. C'était l'automne après les événements de mai. J'avais 17 ans. Vous aviez besoin de vous reposer de toutes ces barricades. C'était pas exactement le cas, mais j'avais quand même, comme tout le monde, été complètement bouleversée par ces événements. Et puis en plus, là, je faisais mon entrée, si je puis dire, au Quartier Latin, où je commençais mes études dans l'enseignement supérieur. Alors, on me donne ce livre et je ne sais pas qui me l'a donné, je ne me souviens plus, mais j'avais certainement très envie de faire plaisir à cette personne, parce que quand j'ai ouvert le bouquin, c'était une autre planète, et j'avoue que j'ai commencé par ne rien y comprendre. Cette première phrase que tout le monde cite comme la phrase que tout le monde évidemment comprend, bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendia devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel son père l'emmena faire connaissance avec la glace. J'avoue que je me suis demandé quelle glace. Parce que, en fait, comment imaginer que la glace pouvait ne pas être connue, la glace le bloc de glace pouvait ne pas être connu. Donc, dans quel pays j'entrais? Et un pays où le peloton d'exécution, là, c'était tout à fait normal. Tellement normal qu'on s'arrêtait pas dessus. Voilà. Donc, et je suis rentrée, j'ai tenté de rentrer, par la compréhension. Et je me suis retrouvée en face, je me suis retrouvée sur la place du village. Mais au milieu d'une cacophonie merveilleuse, effrayante, auquel je comprenais rien, avec des personnages. Qu'est-ce que venaient faire ces gitans? Au milieu de ce village qui était censé être latino-américain, ça on me l'avait dit. Alors, c'était qui ce Melquiades, ce personnage étonnant, le héros de la dynastie Buendia qui commençait par créer le village avec des grandes préoccupations sociales, puis qui tout d'un coup s'intéressait. On mélangeait la science et la magie. Enfin, il y avait tout. Et ça se traduisait dans la phrase. Et donc, j'avais du mal à avancer. Et c'est petit à petit qu'en fait j'ai lâché prise. Mmh. J'ai repris le premier chapitre plusieurs fois, hein, avant de comprendre que c'est en lâchant prise, en se laissant porter, qu'on arrivait à rentrer dans cet univers et en avançant dans le livre, qu'on pouvait entrer dans ce monde magique et merveilleux qui n'était pas le nôtre. En deux mots, Gustavo Guerrero, vous êtes d'accord avec cette idée qu'il faut lâcher prise par rapport à ce qu'on connaît pour comprendre bien, pour entrer vraiment dans la littérature de García Márquez ? Absolument, absolument. Je crois que ce que vous venez de dire est exact. Je vais vous raconter une anecdote. Lorsque le roman arrive en Espagne, c'est l'époque de Franco, donc la censure franquiste va lire, sont dans des solitudes et ils vont autoriser la publication parce que pour les responsable de la censure, c'était un roman qui décrivait un monde merveilleux et donc on lui demandait d'enlever les mots préservatifs, mais c'était tout. Alors votre coup de cœur littéraire, Aliette Armel, c'est Julia Kerninon, ça s'appelle Ma Dévotion et c'est publié aux éditions du Rouergue. De quoi s'agit-il? Alors c'est une très jeune auteure qui a décrit déjà, c'est son troisième roman, et elle a décrit déjà comment elle est arrivée en littérature dans une activité respectable. Et depuis 5 ans, elle se voue à l'amour exclusif de la littérature. Elle se renouvelle avec Ma Dévotion, qui est un livre qui se passe dans les années 70. C'est deux personnages qui ont vécu ensemble une passion dévorante, qui ont 80 ans de vie derrière eux. C'est la femme qui raconte, mais c'est tout autant un travail sur la création artistique et sur une création à deux, à la fois d'une personne et d'une œuvre de peintre, et aussi d'une œuvre d'écrivain qui se déploie dans Ma Dévotion. Voilà, et c'est votre conseil aux éditions du Rouergue. Merci beaucoup, Aliette Armel, à très bientôt. Et c'est toujours la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture au dernier moment de notre série consacrée à Gabriel García Márquez. Et nous repartons dans cette émission avec un extrait de Chronique d'une mort annoncée dont on va parler à présent. Un extrait lu par Renaud Bertin. Le jour où il allait être abattu, sa mère pensa qu'il s'était trompé de date en le voyant vêtu de blanc. Mais c'est aujourd'hui, lundi, lui rappela-t-elle. Alors il lui avait expliqué qu'il avait mis une tenue de circonstance au cas où il aurait l'occasion de baiser l'anneau de l'évêque, ce qui n'avait pas eu l'air d'intéresser Placida Linero. Il ne descendra même pas du bateau, lui dit-elle. Il vous bénira à la sauvette, comme d'habitude, et repartira comme il est venu. Il déteste ce village. Santiago Nassar savait qu'elle avait raison, mais les fastes de l'église exerçaient sur lui une fascination irrésistible. On se croirait au cinéma, m'avait-il avoué un jour. En revanche, la seule chose qui préoccupait sa mère dans cette visite de l'évêque, c'était que son fils ne fût pas trempé par la pluie, car elle l'avait entendu éternuer durant son sommeil. Elle lui conseilla de prendre un parapluie, mais il lui fit de la main un signe d'adieu et quitta la chambre. Ce fut la dernière fois qu'elle le vit. Victoria Guzman, la cuisinière, assurait qu'il n'avait pas plu ce jour-là, ni même une seule fois en février. Au contraire, me dit-elle quand je vins la voir, peu avant sa mort, le soleil chauffait plus tôt qu'en plein mois d'août. Elle était en train d'étriper trois lapins pour le déjeuner, harcelée par les chiens aux aguets, lorsque Santiago Nassar était entré dans la cuisine. Il se levait toujours avec la tête de quelqu'un qui a mal dormi, rappelait-elle, sans tendresse. Alors on va parler, Gustavo Guerrero, de Chronique d'une mort annoncée, mais d'abord j'aimerais vous faire réagir peut-être sur les mots tout simplement que vous avez entendus, qu'on a tous écoutés ensemble de cet extrait lu par Renaud Bertin. Quels sont les mots qui vous retiennent? Je pense qu'il y a les mots rêve, et il y a les mots évêque, et il y a les mots cinéma qui est mentionné, et il y a aussi le fait que qu'il n'a pas, on ne voit pas ou il n'a pas vu. Il y a l'idée aussi qui parcourt tout le roman qu'on n'a pas réussi à interpréter les signes avant-coureurs du désastre. Oui. Alors justement, c'est... l'Église et cette fascination pour l'évêque, qu'est-ce qu'elle signifie selon vous? Peut-être d'abord pour Gabriel Garcia Marquez. Je crois que l'un des éléments de cette opposition très forte entre la côte colombienne et la montagne, entre Bogota et Cartagène, entre Bogota et Macron. Donc il faut toujours revenir Macron, finalement à cette opposition-là. Je veux bien revenir à ça. C'est la question religieuse. La place de l'Église dans la société colombienne, dans l'État colombien, depuis le 19e siècle, a été toujours très forte, c'est une société très conservatrice. La partie, disons, la région de la côte est une région où le mélange culturel a été beaucoup plus fort que dans les montagnes, et où la question religieuse a dû aussi composer avec la présence des Africains, avec la présence des Indiens et la présence d'autres cultures. Donc, quand on entend Santiago Nassar dire qu'il veut aller voir l'évêque qui passe, comme on va au cinéma, on est dans le baroque. C'est le spectacle qui attire, c'est ce caractère complètement de cérémonie organisée à partir du bateau, etc. C'est le faste du baroque qui intéresse plus que la croyance. Vous voyez? Est-ce que c'est un livre sur la société traditionnelle aussi? Comment? Est-ce que c'est un livre, Chronique d'une mort annoncée, sur la société traditionnelle, donc je dis plus colombienne, maintenant je sais qu'il faut faire la séparation entre les différents endroits, les montagnes et la côte plutôt caribéenne. Oui. Est-ce que c'est un livre sur une société traditionnelle? Je crois que l'un des sujets qui a attiré l'attention, qui a retenu l'attention des lecteurs, par exemple du nord de l'Afrique, ou même de quelqu'un comme Salman Rushdie, quand il a regardé les livres de Garcia Marquez, c'est qu'il met en scène les distorsions que la modernisation produit dans des sociétés traditionnelles. Mmh. Et la multitemporalité qu'on voit dans un livre comme celui de Garcia Marquez est le résultat de cette mise en scène du choc processus de modernisation dans des sociétés qui ont des temporalités différentes. Donc cela se produit en Afrique aussi, cela se produit dans les pays asiatiques, et quelqu'un comme Salman Rushdie, par exemple, se reconnaît dans cette multitemporalité et dans les tensions que produisent les processus de modernisation. C'est d'ailleurs le sujet aussi de son dernier livre, exact. La maison Golden, exact. Chez Actes Sud. Alors, parlons un peu de l'histoire. C'est l'assassinat de Santiago Nassar au lendemain d'un mariage. Que s'est-il passé finalement au cours de ce mariage qui fait qu'on projette d'assassiner ce pauvre Santiago Nassar? Bon, c'est une histoire qui a, Garcia Marquez se conduit comment journaliste. C'est un crime qui a eu lieu en 1951 dans la ville de Sucre. D'ailleurs, où il a vécu. Un des aspects les plus charmants pour moi du roman, c'est qu'on sait que c'est lui qui raconte l'histoire parce que il mentionne sa tante, ses sœurs, sa mère apparaît avec ses noms propres. Donc on sait que sa femme Mercedes aussi. Donc il y a toute la famille Garcia Marquez qui est là et on sait que c'est lui qui raconte un peu masqué, mais qu'il est là. Et c'est un aspect, je pense, charmant du livre, de voir comment il s'est placé à l'intérieur du livre, ce qu'il n'a jamais fait avec les livres précédents. Et pourquoi fait-il cela particulièrement dans ce livre-là ? Je pense parce qu'il avait déjà la célébrité suffisante pour pouvoir jouer avec son autobiographie et que les gens sachent que c'est son autobiographie. Mm-hmm. Ça fait partie de la construction du personnage littéraire et de la gestion, disons, de la célébrité chez Garcia Marquez, cette petite histoire. Et pourquoi c'est un crime donc qui a lieu en 1951 parce que un garçon, Bayardo San Román, découvre que la fille qu'il a épousée n'est pas vierge. Oui. Et donc il va rendre, après le mariage, sa femme à sa famille d'origine. Et la famille d'origine va interroger Angela Vicario pour lui demander qui a commis cet acte. Et elle le dit, Santiago Nazar. Et donc, mais on n'est pas sûr que ce soit vrai. Non, on n'est pas sûr que ce soit pas vrai, que ça soit vrai. C'est vrai qu'on tourne autour de cette question. On ne saura jamais si c'était vrai ou pas. Tout est inspiré par un fait réel, un ami de la famille Garcia Marquez, Cayetano Gentil, qui s'est retrouvé dans cette situation et qui a été assassiné à Sucre en 1951. Donc, il s'inspire un peu du fait réel. Il travaille comme un journaliste sur ce fait réel et il écrit quelque chose qui évoque pour nous les crimes d'honneur, quoi, finalement, du théâtre classique et aussi Noce de sang, de Garcia Lorca. Mais, en même temps, il y a toute la question du mystère autour de l'attitude des personnages, d'Angela qui va dénoncer cet homme qui est peut-être innocent, de cet homme innocent qui n'apprend jamais, qui va être assassiné, de tous ceux qui essayent de le sauver. Alors tout le monde est au courant qu'un assassinat se trame, que Santiago Nazar va être assassiné. Donc les deux seuls qui ne le savent pas, c'est la mère de Santiago Nazar et Santiago Nazar lui-même. Exactement. Donc il y a toute cette... L'histoire, elle est remarquable parce qu'elle commence justement, la chronique d'une mort annoncée, elle commence par vous dire ce qui va arriver et aussi par vous dire comment il va raconter l'histoire. Il va raconter, il commence par la fin et il va décomposer le début. Donc le titre est un manifeste littéraire. Voilà, exactement. C'est un mot d'emploi. Oui. Voilà. Alors les deux frères, évidemment, de Angela sont obligés, d'une certaine manière, de venger l'honneur de leur sœur. Ils n'ont pas du tout envie de le faire non plus. On voit l'hésitation, ils cherchent des excuses pour ne pas y aller et à la fin, ils sont poussés socialement à le faire. Notamment, ils se mettent en face de la porte de la maison de Santiago Nazar que celui-ci n'emprunte jamais. Qu'il ne rentre ou ne sorte jamais par là, mais évidemment, ce jour-là, c'est la porte qu'il va choisir. Voilà, et ils hésitent parce que l'évêque va arriver, donc il faut imaginer ne pas faire ça devant l'évêque, etc. Donc, ils essayent de se trouver des excuses. C'est très bien fait parce que c'est une exploration aussi dans les mystères des êtres. Et Garcia Marquez l'a dit, mais on peut le rappeler ici, The Killers de Hemingway est derrière aussi ce roman, ces longues nouvelles de Garcia Marquez. D'ailleurs, le cinéma est souvent derrière la prose de Garcia Marquez. Bien sûr, même si je ne sais pas quelle est votre opinion, mais moi je pense que la version cinématographique de Francesco Rossi, elle n'est pas très réussie. Non, elle a un petit côté téléfilm. Voilà, exactement, exactement. Mais bon, lui était sans doute inspiré, je ne sais pas, par Bergman, par Antonioni, par Fellini, même on sent un peu Fellini quand même chez Garcia Marquez. Bien sûr, il y a tout cela et il y a aussi un jeu avec les romans policiers. Hein. Il va décomposer les romans policiers et si on regarde plus loin, on se rend compte que les sujets de la chronique d'une mort annoncée est quand même un sujet mythologique très fort. Mm-hmm. C'est la cécité. C'est-à-dire que on ne voit pas ce qui va arriver. On voit pas. Alors que tout est annoncé. Voilà, on ne voit pas. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les signes? Comment est-ce que je suis passé à côté d'une chose si évidente? C'est cette question qu'on se pose depuis Oedipe. Et Garcia Marquez la reprend ici et fait une réécriture du mythe, un peu un mode contemporain. Donc on ne peut pas dire que c'est un roman policier, notamment parce qu'on connaît le mobile des assassins. Donc l'essentiel de ce livre est ailleurs, et l'essentiel de ce livre, Gustavo Guerrero, c'est la littérature elle-même. C'est la littérature, c'est notre manière d'être incapable de percevoir parfois les signes de ce qui va nous détruire. Ouais. Et c'est un sujet qui vient, comme vous le savez, depuis les Grecs. Pour le dire un peu comme Roland Barthes, c'est notre incapacité à être des sémiologues, des bons sémiologues. Alors le titre est tout de même assez extraordinaire, et le destin de ce titre aussi, je ne sais pas à quel point, je ne sais pas dans quelle mesure on peut dire que ce titre est repris peut-être tous les jours dans la presse, quelque part dans le monde, chronique de quelque chose annoncé. C'est un titre excellent, Gustavo Guerrero. Oui, c'est un titre qui vient du journalisme. Mm. En plus, c'est le Garcia Marquez chroniqueur qui se montre là et qui montre c'est là. C'est que les journalistes l'aiment tellement. Voilà, il dit le journalisme, la littérature, voilà, je vais écrire quelque chose qui se place en même temps sous les deux tableaux et qui gagne sous les deux tableaux, sur le tableau du journalisme et de la littérature. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime autant ce roman, parce que je crois que là, on réussit à voir Garcia Marquez se mettre en scène avec sa famille, on voit les journalistes au travail, on voit l'écrivain, on voit l'homme qui a lu beaucoup de littérature, depuis la littérature grecque classique jusqu'à Hemingway. Et on voit aussi dans ce roman, d'une manière beaucoup plus claire, quelque chose qui passe parfois inaperçu chez les lecteurs, mais qu'on peut, disons, cerner quand on lit ce roman. Il y a chez Garcia Marquez, et c'est une des raisons pour moi de son succès, une certaine nostalgie. Il y a chez Garcia Marquez, les événements qui sont racontés dans ce roman ont eu lieu en 1951. Mmh. Mais lui, comme les mondes de Maconde, il les replace beaucoup plus loin dans le temps. Et il l'écrit en 1981. Mais il replace tout ça au début du siècle, justement. Il y a cette forte, vous voyez, la voiture produite dans les années 10, 20, qui arrive au village, alors que les événements et les faits divers ont eu lieu en 1951, lui, il va replacer tout ça au début du siècle. Et donc, qu'est-ce qu'on entend là quand il parle de ce monde-là? On entend encore la voix du grand-père et la nostalgie avec laquelle les grands-pères ont évoqué tous ces événements devant lui, et ce qui rend la prose de Garcia Marquez aussi, où il lui donne un ton nostalgique très fin, très doux, qu'on entend comme un bruit de fond qui accompagne les textes et qui fait partie de sa fascination. Mais la fascination aussi, qu'elle suscite. Gustavo Guerrero, vous êtes un peu nostalgique parce que vous êtes venu dans ce studio avec deux éditions originales de Garcia Marquez, et donc notamment une édition originale de Chronique d'une mort annoncée. Oui, mais je voulais vous montrer quelque chose qui pour moi est très, très important, et c'est le fait que les tirages de ces ouvrages ont été énorme. Ouais. C'est-à-dire on a 1 million d'exemplaires pour les premiers tirages. Les premiers tirages de Chronique du mort annoncé. Et puis pour 100 ans de solitude, vous voyez, c'est reproduire les rééditions à un rythme affolant au cours de la première année. Et c'est très important pour moi. Je voulais vous montrer ça parce que je crois que l'un des aspects de l'importance de l'œuvre de Garcia Marquez, qui n'est pas souvent évoqué, c'est le fait qu'il fait, il a un succès d'abord en Amérique latine. C'est son succès est d'abord latino-américain avant de devenir mondial. Mmh. Voilà. Donc, on peut parler du boom, mais n'oublions pas que Cent ans de solitude a été publié en Argentine. et qu'à l'époque, l'industrie éditoriale argentine était la première du monde hispanique, bien devant l'espagnol, et que c'est grâce à l'appareil aussi de distribution, là, ça c'est l'éditeur qui parle, c'est l'appareil de distribution des Sud-Américains au niveau latino-américain qui a imposé les livres. Le livre a été lu en Argentine, à Bogota, à Caracas. Mon exemplaire, c'est mon père qui l'a acheté à Caracas. Vous l'avez récupéré dans la bibliothèque parentale. Oui. Parentale, était au Mexico, et les latino-américains ont d'un coup commencé à lire d'une manière très passionnelle la littérature latino-américaine. Et ça disons, c'est pour moi un des moments au XXe siècle qui marque l'émergence d'un public lecteur en Amérique latine et la démocratisation de la culture. Pour terminer, un mot sur le prix Nobel de littérature que Garcia Marquez va recevoir un an après la publication de Chronique d'une mort annoncée. Est-ce que vous pensez que ce livre a quelque chose à voir avec l'obtention du prix Nobel, ou comment est-ce qu'on peut expliquer finalement que le jury lui ait décerné ce prix ? Je crois que le livre nécessairement a eu une influence, c'est-à-dire pratiquement quelques mois avant la remise du prix, le livre sort. C'est un livre qui a eu un impact immédiat, comme vous le voyez aussi. Et je crois aussi que c'est un livre où Garcia Marquez revient un peu sur le monde des 100 ans de solitude. Et c'est un livre très latino-américain. Mm-hmm. Donc on a voulu décerner ce prix à un auteur très latino-américain. Très latino-américain. D'ailleurs, les discours de Garcia Marquez, c'est la solitude d'Amérique latine. Son discours, il parle en tant que latino-américain. Quand il fait son discours du Nobel, il ne parle pas en tant que colombien ou que hispano. Il parle en tant que latino-américain. Merci beaucoup Gustavo Guerrero. On peut rappeler votre livre Poétique et Poésie Lyrique paru au Seuil il y a quelques années, c'était en 2000 déjà. Et puis plus récemment la coédition de l'anthologie Les Bonnes Nouvelles de l'Amérique Latine avec Fernando Iwasaki. C'est chez Gallimard où vous êtes par ailleurs éditeur. Cette émission n'aurait pu avoir lieu sans Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Stéphanie Vélin et Bruno Gagnère-Fontani. Demain, vous retrouverez Manu Farine pour la Compagnie des Poètes. Et puis nous, on se retrouve lundi pour une nouvelle série d'émissions consacrée, celle-là, à Homère. Tout de suite, sur France Culture, c'est la poésie, avec Jacques Bonafé. Bonjour la Compagnie. À poésie. C'est aussi cette chose qui se définit en se faisant. Un pullover en chantier. Une maille à l'endroit, deux mailles à l'envers, pourvu que sa maille s'amuse. S'amuse, le poème vient de lui-même. Poème. Définition du petit que sais-je, sans mot de la poésie, Jean-Michel Maulepoix. Qu'il soit en vers ou en prose, de forme fixe ou fibre, le poème est cet objet qui se détache du corps inerte de la langue, pour la montrer vivante. La langue en lui se réverbère, se réfracte et s'examine. À mains égards, c'est un objet étrange, peut-être même le seul qui soit fait entièrement avec des mots et qui se donne comme tel, souvent à l'état d'objet verbal pur. Un roman ne se laisse pas appréhender de la même façon, ne serait-ce que par ses dimensions. Le poème a quelque chose d'ostentatoire et de narcissique. Il se montre, il attire sur soi l'attention, mieux, il se regarde, se contemple dans les reflets de son encre. Il jouit parfois de lui-même, enchanté de ses capacités, comme cela se vérifie par exemple dans les pièces très ciselées de Charme de Paul Valéry. Et nous, pour nous mettre à l'épreuve, on a choisi La Ballade des mourants de Michel Deguy. Frères migrants qui avec nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous ennemis. Car si pitié de nous riches avait, paix en aurait plus tard pour tous une chance. Vous nous voyez si apeurés à millions d'imbéciles, quant à l'âme que trop avons pourrie, elle est piéça, avilie et haineuse, et nous les blancs, devenus iridiés et foudres, de notre mal, personne ne s'acquitte, mais prions l'inexorable que tous nous puissent aider. Deguy précise, la poésie est translatio en plusieurs sens. Transformation inventant une fidélité qui transpose pour le présent contextuel où elle intervient l'usage, l'emploi, l'exploit des vers anciens. Et ainsi s'autorise-t-il à reprendre la ballade des pendus de François Villon. Si frères vous clamons, pas n'en devez avoir méfiance, quoique fût oxy par injustice. Toutefois vous savez que tous hommes n'ont pas su l'adoption élire. Nous sommes mourants, âmes sœurs délaissants, frères de sang ne sommes, sauf par homicide. Là où croit la menace, aucun dieu ne croit plus. Mais prions l'être, ni Dieu ni moi suprême, que nous s'invente et se fédère, si nous sommes tous ce que ne sommes pas. Que les langues parfaites en cela que plusieurs fassent voler en éclats éclairants l'identité devenue ADN, le 21e siècle sera poétique ou ne sera pas. Jacques Bonafé, merci.